Rappelle-toi des 4 lettres posées en 1990 sur les murs et sur les wagons des métros. Dans les années 90, j'étais censé être au collège, attiré par la culture hip-hop. Pour moi, sortir était un privilège. Sans cesse, j'étais obligé de mentir pour pouvoir sortir le samedi. C'était ambiance frites merguez à place de Clichy. Mais le vendredi minuit, devant le McDo de Saint-Denis, rendez-vous avec Mao, Kea, Xeo, Expert et Gilly pour défoncer les rames et les murs de Paris. 93, nique ta mère. Eh vas-y, pose-moi un PER. On est passé par là, les murs de Ripa. Combat la frais, la nuit était repeint le jour. En 1999, à Persac, Malvinil. Pour le 93, une fois de plus, j'impose mon style. Je veux que l'on parle de nous dans toutes les capitales. Avant, sur les murs de ta ville, on faisait les chacals. Affamés, on taguait même sur la dalle. Aujourd'hui, à peur à haute et combat de la capitale. Je veux que l'on parle de nous dans toutes les capitales. Avant, sur les murs de ta ville, on faisait les chacals. Affamés, on taguait même sur la dalle. Aujourd'hui, à peur et disco, combat de la capitale. Passe-moi le mic pour que je représente les miens. Et tous ceux qui ont ta grand frère se sont salis les mains, tu te souviens? Des postcards, des bombes, des cartes, on n'a que ça. Poser notre nom, celui du crew, on aimait que ça, putain, ça manque. Alors sur la feuille, fais couler l'encre, remonte la pente. Nique le bénéf avec rage, disco, toujours épaules sur le beat, comme un vieux tapé au cirage. Toi en freestyle, les fous qui se trouvent dans notre entourage. Et sur une zik, négro, je pose mon lettrage en lettres capitales pour qu'on parle de nous dans toutes les capitales, c'est capital. Faut que tout le monde se rappelle du 9-3 à OT et du Posi Digital. Du 9-3 à OT, yeah, yo, hein. Ouais, ouais, et du Posi Digital. Je veux que l'on parle de nous dans toutes les capitales. Avant, sur les murs de ta ville, on faisait les chacals. Affamés, on taguait même sur la dalle. Aujourd'hui, à peur à OT, combat ta capitale. Je veux que l'on parle de nous dans toutes les capitales. Avant sur les murs de ta ville on faisait les chacals. Affamés, on taguait même sur la dalle. Aujourd'hui à peur et disco combat la capitale. Combien de fois tu m'as croisé au néo négro? Combien de fois j'ai froissé le microphone au labro? Des fois j'étais tout seul et toi t'avais tes pancos. Des soirs t'étais tout seul et moi j'avais mon cipo. Je tapais des longues phases mises à la mort. En freestyle je me les glande. Je suis pas sexy ni funky négro, je suis hardcore. Prends pas les glandes, je représente mon camp et mon gland. Les femmes me kiffent, je plante sec comme un canif. Dans mon quartier on me surnomme le Van de l'Orif. Aujourd'hui j'inonde Paname, mon flow circule comme des barrettes de dynam. Dors, l'artificier s'occupe du son. Dans ta baraque je veux que ça saute jusqu'au plafond. Ouais, je veux que ça saute jusqu'au plafond. Ouais, il faut que ça saute jusqu'au plafond. Le son sort des plafonds. Je veux que l'on parle de nous dans toutes les capitales. Avant sur les murs de ta ville on faisait les chacals. Affamés, on taguait même sur la dalle. Aujourd'hui à peur à haute et combat la capitale. Je veux que l'on parle de nous dans toutes les capitales. Avant sur les murs de ta ville on faisait les chacals. Affamés, on taguait même sur la dalle. Aujourd'hui à peur et disque combat la capitale. Je veux que l'on parle de nous dans toutes les capitales. Avant sur les murs de ta ville on faisait les chacals. Affamés, on taguait même sur la dalle. Aujourd'hui à peur à haute et combat la capitale. Je veux que l'on parle de nous dans toutes les capitales. Avant sur les murs de ta ville on faisait les chacals. Affamés, on taguait même sur la dalle. Aujourd'hui à peur et disque combat la capitale.